Les Nuits de France Culture, nuit Vladimir Nabokov, nuit commencée en compagnie d'Agnès Edelroy et Yannick Chupin, toutes deux sans doute spécialistes de l'œuvre de Vladimir Nabokov et organisatrices d'un colloque international de la Société française Vladimir Nabokov, c'était il y a quelques années, à la Sorbonne à Paris. Et puis l'ouvrage collectif Vladimir Nabokov et la France vient de paraître aux presses universitaires de Strasbourg. Un volume qui rassemble les contributions diverses et très éclairantes, bien sûr, qui avaient nourri ce colloque, dont votre contribution, Bénédicte Benten. Bonsoir, Bénédicte Benten. Bonsoir, Philippe Garbi. Alors, Vladimir Nabokov et la France, c'était l'intitulé, le sujet de ce colloque. Et votre intervention, elle, a consisté, telle qu'elle est reproduite dans ce volume, à nous faire découvrir comment le français, alors le français avec un F minuscule, comment la langue française, donc, mais aussi peut-être comment l'accent français et les mots français, le vocabulaire français, comment ce français était et est présent dans l'œuvre de Vladimir Nabokov. C'est bien cela ? C'est bien cela, et j'avais mis l'accent tout particulièrement sur un détail de ce français, parce qu'il n'était pas question d'en rendre compte de façon très très vaste, mais sur la façon dont cette langue était, permettait une sorte de séduction fallacieuse et nourrissait une esthétique de l'ambiguïté dans certaines œuvres de Vladimir Nabokov. Mmh. Je ne sais pas si c'était le titre de votre intervention, mais en tout cas dans ce volume, le français... Pas tout à fait, non, ça a été modifié. Ça depuis. S'appelait comment alors, au début? Alors je crois que c'était une pointe de grasseillement, et puis ensuite j'étudiais quelques cas de français, cette fois-ci avec un F majuscule donc, ou plutôt de personnages qui contrefaisaient parfois les français dans l'œuvre. Alors vous êtes agrégée de lettres modernes, Bénédicte de Benten, vous enseignez au lycée, mais avant d'être enseignante, vous avez été une jeune fille lectrice, j'imagine. Alors par quel roman ou par quelle nouvelle on se lance dans cette œuvre immense, dans cette immersion de l'œuvre qui est celle de Vladimir Nabokov? Sans doute par des nouvelles dans mon cas, mais enfin le souvenir le plus marquant, et je pense ne pas être très original, ça doit être Lolita, que j'ai lu donc en effet assez jeune. Je me souviens, dans le jardin de mes grands-parents, en plein soleil. Et puis j'ai toujours cet exemplaire absolument noirci de tous les mots de vocabulaire qui me manquaient à l'époque et qui m'apparaissaient comme des traits de génie. Je les ai encore en tête, certains, hein, les paupières nictitantes de Lolita, ses creux poplités, ses courbes axillaires, enfin. Oui, exactement. Quel âge aviez-vous? Peut-être 18 ans, quelque chose comme ça. Vous n'étiez plus à l'âge de Lolita, là? Non, non, non, hélas, ça aurait peut-être encore mieux. Est-ce que vous enseignez, parce qu'on viendra sans doute à l'enseignement, puisque vous enseignez en lycée, mais vous enseignez le français par définition, puisque vous êtes agrégé de lettres modernes, mais vos élèves, vous leur lisez, vous leur faites lire du Nabokov, et pas ni en russe, ni en anglais, j'imagine. Non, j'en serais bien incapable. Alors, trop peu jusque-là, mais peut-être que cette émission va me donner envie, du coup, de davantage leur faire profiter de cet auteur de génie. Non, c'est vrai qu'on n'y est pas fortement poussé par les textes officiels, puisqu'il faut d'abord se consacrer à l'étude, et c'est bien normal, sans doute, des auteurs français, de langue française. Mais ça m'est arrivé quand même, de temps en temps, de leur donner des pages avec profit, alors soit des fois des nouvelles, ou bien alors lorsque l'autobiographie était encore au programme il y a une dizaine d'années, je me souviens leur avoir donné des pages d'autres rivages à étudier. C'était très intéressant, c'était à la fois difficile pour eux et en même temps une révélation, et ça permettait de montrer parfaitement bien les niveaux différents d'une autobiographie, c'est-à-dire à la fois la jeunesse adolescente et émerveillée face au surgissement de son premier vers, je me souviens dans le cas de Nabokov, donc, et puis en même temps le regard critique du romancier mûr qui regardait non sans ironie le petit poète en train de naître. Et puis il m'arrive aussi j'ai un texte un peu fétiche pour ce qui est de l'étude des métaphores filées. Il y a un extrait de Pnine qui est très très propice à cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est lorsque Pnine se fait arracher toutes ses dents. Et alors il y a une sorte de longue, longue métaphore filée autour de sa bouche, qui est une sorte de cavité, de grotte sous-marine, avec la langue qui est un phoque qui plonge entre le relief de ses dents, comme autant d'anfractuosité, enfin voilà, je... Avec ses dents, je tiens à ce passage. Les dents qui permettent de grasseiller. Vous avez parlé du grasseillement tout à l'heure, Bénédicte oui. Bintène. Alors je voudrais que vous écoutiez, que nos auditrices et nos auditeurs écoutent un court extrait de l'apostrophe que Bernard Pivot lui avait consacrée. C'était en 1975. Et il revenait, donc, Vladimir Nabokov, sur son enfance russe, certes, mais aussi française. J'avais appris le français à 6 ans. Mon institutrice... Mademoiselle Cécile Mioton. Comment vous dites Mioton. Mioton, c'est un nom vaudois. Un nom vaudois. Ah, c'était donc une elle est née à, oui, elle est née à Vevey, mais éduquée à Paris. Elle était plus parisienne que vaudoise. Parce que dans le Von, on le prononce Mioton. Elle prononce Mioton. Il y a une petite différence. Elle resta dans notre famille jusqu'en 1915. On commença par le Cid, elle est misérable. Mais les vrais trésors m'attendaient dans la bibliothèque de mon père. À 12 ans déjà, je connaissais tous les poètes bénis de la France. Souvenir, souvenir, que me veux-tu ? L'automne faisait voler la griffe à travers l'air atone. Et le bois jaunissant, où la bise détonne. Et c'est curieux que à cet âge tendre, je comprenais déjà que Verlaine n'aurait pas dû employer une rime si incestueuse. Atonne, détonne. C'est la même racine, n'est-ce pas? Alors, voilà donc le calendrier de mes trois langues. Maintenant, encore quelques détails. Comme la plupart des Nabokov et comme beaucoup de Russes, Lénine, par exemple, je parlais ma langue natale avec un petit grasseillement que les moscovites n'ont pas. Et ça ne me gênait guère en français, quoiqu'il était bien loin ce grasseillement de l'adorable air roulé des chanteuses de cabaret parisiennes. Vous avez connu. Comment ? Mais dont je me hâtais de me débarrasser en anglais. Après avoir entendu pour la première fois ma voix à la radio. C'était tragique. Je disais, par exemple, horriblement, « I am Russian », comme si je venais du Roussillon. J'effaçais cette tare en déguisant la lettre périlleuse par une petite vibration neutre. Un extrait d'apostrophe, Vladimir Nabokov au micro de Bernard Pivot, réalisation Claude Barma, c'était le 30 mai 1975 sur Antenne 2. Bénédicte Bintène, vous connaissez cet extrait, je le sais, puisque dans votre article, dans votre contribution, Le français, langue de la séduction fallacieuse dans l'œuvre de Nabokov, une esthétique de l'ambiguïté, publié dans le volume Vladimir Nabokov et la France, vous citez cet extrait, et peut-être que c'est même à partir de cette vision d'apostrophe, non pas à l'époque, vous n'étiez pas né sans doute, mais que vous avez décidé d'étudier l'importance du français dans l'œuvre de Nabokov. Alors, ça aurait pu, parce que c'est vrai que cette interview est très très connue. Je pense plutôt que je l'ai réécouté ultérieurement. Mais c'est vrai que, alors c'est très intéressant, hein, parce que c'était mon point de départ, en effet, cette indétermination amusée de Vladimir Nabokov, qui donc se décrit comme un pétersbourgeois qui, en russe, laissait apparaître une sorte de grasseillement, tout parisien, mais un homme qui, en France, roulait plutôt les R à la manière russe. Donc, c'était en effet le point de départ de mon idée, puisque je trouvais qu'il y avait là un glissement qui était très intéressant. On pourrait même ajouter le grasseillement des natifs du sud de la France. Enfin, donc il y a vraiment de nombreuses acceptions, malgré tout, éloignées les unes des autres, en effet. Mais je crois que ce terme-là, je l'ai d'abord repéré en français dans le texte, y compris dans les romans de jeunesse de Nabokov. Écrit en russe, dans les romans. Ouais. Voilà, exactement. Enfin, réécrit parfois en anglais. Il l'utilise lui-même. Oui, par lui-même, d'ailleurs assez souvent par la suite. Mais ce qui était intéressant, c'était que c'était un signe assez important dans le texte, puisque vraiment le mot de grasseillement en italique se détachait donc du contexte. Machenka, il arrive parfois oui. qu'il soit... oui. Dans Machenka. Prononcé, enfin, parfois, ce sont les traducteurs eux-mêmes qui choisissent ce terme en français, mais la plupart du temps, le terme est bien présent tel quel sous la plume de Nabokov. Qui parle de l'amusement, grasseillement de Machenka, surtout au téléphone. Machenka, c'est le premier roman de Vladimir Nabokov, oui. écrit en russe. Oui. Mais il y a Katia dans La Flèche de l'Émirauté qui a un grasseillement artificiel. Parce qu'alors, on peut grasseiller, ça veut dire rouler les airs, mais d'une façon gutturale, expliquons. Ça peut être et naturel et artificiel et fictif, et comme le français finalement. Alors, parce que vous parlez du français fictif, est-ce que ça veut dire que c'est une langue, un faux français, une fausse langue française inventée par Nabokov, et dans quel but? Alors, ces héroïnes russes dont nous parlions, elles ont souvent une sorte de petite coquetterie qui les pousse à prononcer le français lorsqu'elles récitent, par exemple, des poèmes de Pierre Louis. C'est le cas dans L'Exploit, le personnage d'Allah. Ces héroïnes, donc, ont tendance à faire un peu des manières lorsqu'elles prononcent le français et du coup à grasseiller de façon un petit peu artificielle. Mais c'est vrai que cette Katia dont vous parliez dans La Flèche de l'Amirauté, qui est une nouvelle vraiment très très drôle et en même temps qui exprime bien la hantise de Nabokov quant à ce qu'on pourrait faire subir à son passé ou transformer des expériences vécues, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment. Alors ça c'était mon point de départ, en effet. Mais votre point de départ, mais sinon c'est quand même étudier le français, enfin dans tous les romans et dans toutes les nouvelles de Nabokov que vous avez dû lire très très très sérieusement, Bénédicte Benten, et pas simplement pour le colloque, j'imagine, et avant tout pour le plaisir de la lecture. Ce français, c'est un langage de mensonge, de tromperie, de perversion, de duplicité, de trahison. Pourquoi ? Alors, du moins, notamment de trahison. L'idée, c'était que finalement, vous savez que le français a failli être adopté par Vladimir Nabokov. Bien sûr, oui, nous en parlions. Comme langue. Les premières invitées, Agnès Delroy, oui, et Yannick Chupin. Dans laquelle il souhaitait peut-être changer, donc abandonner sa belle langue russe déliée. Voilà, et puis finalement, il a opté plutôt pour l'anglais, mais ça a été donc une langue de transition, et du coup, c'est une langue qui souvent, je trouve, est associée à une forme de fiction, mais que veut montrer Nabokov comme vraiment l'excellence même, enfin la fiction par excellence. Et en effet, du coup, c'est le propre de certains personnages qui ne sont pas français, mais qui vont l'adopter, cette langue, pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas toujours. C'est-à-dire pour enjôler d'autres personnages, les tromper, les mener sur de fausses pistes. Avec eux. Mais il y a une certaine Madame Le Cerf, par exemple, je ne sais pas si on prononce Le Cerf ou Le Cerf, dans La vraie vie de Sébastien Knight, qui était le premier roman écrit en anglais par Nabokov. Elle, c'est une fausse française. Oui. Et il y a un Monsieur Plouf aussi. Alors, il y a un côté ridicule. Des cas très différents. Oui, Monsieur Pouf. Plouf ou Pouf? Ah oui, Pouf, pas Plouf. Monsieur Pouf, parce que c'est ça. En fait, on ne saura jamais son véritable nom à ce personnage, mais alors, Monsieur Pouf, c'est un patronyme onomatopéique en quelque sorte. C'est ce qu'il dit, c'est la première chose qu'il prononce lorsque le narrateur lui parle. Le narrateur. C'est ce personnage qui revient en Russie, qui fait un retour en arrière dans son passé, voyage que n'effectuera jamais Nabokov, non. Qui lui n'a jamais retourné jamais en URSS. Les pieds. Ou allé en URSS. Et, oui. C'est un individu un petit peu étrange qui se retrouve constamment à côté du narrateur dans l'avion à plusieurs reprises lors de tous ses trajets. Et on comprendra plus tard qu'en fait il l'espionne, il est chargé de le suivre de très près. Et donc voilà, lorsque le narrateur lui demande si il pense qu'ils vont pouvoir assister à une représentation d'un groupe d'artistes qu'ils ont vu dans l'avion, ce monsieur lui répond pouf, ça ne vaudra jamais nos artistes russes. Et donc le narrateur, qui croyait jusque-là avoir affaire à un français, en se trompant, notamment sur la base de ce grasseillement qui est le propre à nouveau de cet individu, comprend là, en tout cas récolte un indice du fait qu'il s'agit peut-être bien plutôt d'un Russe, mais il s'est trompé longuement sur sa nationalité et jusque-là, du coup, n'était pas du tout inquiet de l'avoir pour voisin systématiquement lors de ce voyage. À la liste du français comme langue ou langage du mensonge, de tromperie, de duplicité, de trahison, perversion, etc., j'ai oublié un mot tout simple qui est celui de la séduction, qui peut être considéré comme un délit, voire comme un crime dans nombre de romans de Vladimir Nabokov. Oui, mais alors vous parliez de cette Nina Le Serre. Elle est très intéressante parce que donc, dans la vraie vie de Sebastian Knight, qui cette fois-ci est le premier roman de Nabokov écrit en anglais, donc où il fait vraiment le choix de quitter cette langue russe qu'il adorait, cette belle langue russe. Cette Nina Le Serre est en fait un personnage que rencontre le narrateur à la fin de sa quête, qui porte sur son demi-frère qui est décédé, le fameux Sebastian Knight. Et ce demi-frère, il l'adule. Il a envie de mener une enquête sur la personne qu'il a été au cours de sa vie. Et donc, il veut s'arranger pour rencontrer la dernière femme de son demi-frère. Et cette Nina Le Serre, qui prétend s'appeler ainsi, est censée avoir été la meilleure amie de cette dernière compagne. Et elle va le tromper, le mener en bateau pendant un certain nombre de pages, en lui faisant croire donc que cet ami ne va pas tarder à arriver. Elle le fait vraiment patienter longuement, elle l'invite chez elle à la campagne. Et ce narrateur qui se voulait absolument circonspect, extrêmement prudent et très très sérieux dans sa recherche, finalement va succomber à son charme, et puis va la croire française grâce à tous ces... Elle s'adonne à de nombreux énoncés gnomiques, vous savez, c'est-à-dire elle lui dit en français, donc « Oh, mais un cœur de femme ne ressuscite jamais », ou alors « Je ne peux pas vous dire ça, je ne saurais être le calendrier de mon ami, je ne vais pas trahir son emploi du temps ». Et donc vraiment, il se laisse abuser très très longuement, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'elle est cette ancienne compagne, dernière compagne de son demi-frère, et qu'elle l'a donc menée en bateau, si je puis dire, jusque-là. C'est l'art de la duperie. Donc c'est intéressant parce que, oui, Maskiruka, et puis elle incarne un peu la fiction. Oui, oui, alors ça c'était un petit clin d'œil à quelque chose qui est spécifiquement terme militaire russe. Oui, oui, mais en tous les cas, elle est un personnage intéressant parce que, en quelque sorte, là, à ce moment-là, il congédie aussi avec elle, enfin c'était mon impression, il congédie cette belle langue russe qu'il doit abandonner. Et voilà, non sans regret, puisqu'elle est, c'est une femme extrêmement séduisante, malgré ses clichés, finalement. Après coup, le lecteur avec lui se dit, mais elle n'a fait que débiter des poncifs sur et le français et les autres langues. Mais on y a cru avec lui. C'est le français traîtreux, dites-vous, pour attraper le client. Enfin, attraper le client ou attraper le lecteur aussi. Voilà, c'est ça. Là, je reprenais une phrase d'Ada Oulharder. Une petite anecdote, en effet, qui permettait de revaloriser positivement cette idée du français traîtreux, parce qu'il ne saurait s'agir de le réduire à cela, ce serait trop péjoratif. Mais ça, c'est un tout petit passage d'Ada au début du roman, lorsque Van Vin tombe amoureux d'une petite française, avant bien sûr de rencontrer son grand amour futur, Ada. De même que Humbert était tombé amoureux d'une petite française aussi, avant Lolita. C'est enfin, vrai. C'est, enfin, il y a toujours un avant. Oui, il y a toujours un avant. Pas forcément française, mais oui, oui. Ça, c'était en France. En effet. En alors, oui, donc c'est ça. Ada. Oui, dans le sud. Van. Oui, parce que Bénédicte Benten, cette langue française, et qui est aussi, donc, on a entendu Vladimir Nabokov au micro de Bernard Pivot, on le sait, parler du français de son enfance. Peut-être a-t-il parlé français avant de parler russe ou avant de parler anglais. Mais ça a l'air d'être une hantise pour Nabokov et puis c'est une menace. L'annonce d'un malheur sentimental pour Van, le héros masculin du roman Ada ou l'ardeur. Donc, pourquoi oui. Pourquoi ce français fait-il peur? La langue française, les Français font-ils peur aux héros masculins de Vladimir Nabokov? Pas tous, mais peut-être que ça pourrait être une autre langue, mais enfin, en tous les cas, c'est vrai que c'est ainsi qu'est annoncé le moment fatal de son existence, parce que il y a une petite camériste française dans l'histoire. Il y a de nombreux majordomes, de nombreuses soubrettes qui sont d'extraction française dans Ada Oularder, et donc il parle français, et il va découvrir dans la poche de son veston un mot anonyme lui disant « One must not burn you ». Et alors ce « burn », qui vient évidemment du français « berner », l'alerte sur le fait qu'il s'agit d'un scripteur francophone. Et c'est là qu'on lui annonce donc qu'Ada le trompe avec d'autres garçons des environs. Et c'est là que le malheur va donc s'abattre sur son existence. Donc c'est vrai que c'est la langue de la trahison, de quelque chose de funeste pour lui. Alors, sans se perdre dans ce que détesterait Nabokov, c'est-à-dire l'interprétation biographique. Hein, il avait vraiment ça en horreur et il l'a dit à tellement de reprises qu'il faut se garder d'un tel écart. Mais c'est vrai que sa femme a pu faire l'objet, la femme de Nabokov, Vera, a pu faire l'objet d'un message similaire, enfin d'un message d'un quelqu'un d'anonyme qui lui annonçait que son mari la trompait. Et sans doute qu'on peut quand même en inférer le fait que ça a pu jouer sur ce que représente cette langue, voilà, sur la hantise qui lui est associée parfois. Alors, il y a la langue française, Bénédicte Bintène, dans l'œuvre de Vladimir Nabokov. Il y a les faux français, les personnages qui se font passer pour des français alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et puis, il y a les faux spécialistes universitaires de la langue française dont vous parlez aussi dans votre article, dans le volume Vladimir Nabokov et la France. Quand on participe à un colloque, on n'a pas peur d'être jugé posthumement par Vladimir Nabokov et d'être une sorte de vrai spécialiste. Affreusement peur. Terriblement peur, j'espère, oui. Alors, bien sûr, mais on parle quand même. Tellement, il disait tellement qu'il voulait égarer les criticules ordinaires. Vous savez que forcément, on est terrifié à cette idée. Mais c'est vrai qu'il développe de tels portraits d'universitaires calamiteux qu'on espère toujours être un petit peu meilleur que cela. Et oui, il y a notamment ce fameux Léonard Blorenge d'Empnine, auquel il est consacré un tout petit chapitre vraiment très très drôle, qui est ce président des études françaises qui croyait que Chateaubriand était un cuisinier célèbre. Et pour cause. Et, et dont on apprend que finalement il... c'est vraiment très très désopilant, hein. Il faudrait le lire, mais par exemple sa femme dans les réunions l'appelle le professeur Blorenge dans les clubs auxquels elle se rend, avec beaucoup de déférence donc. Et puis par ailleurs, en fait, il a fait copier l'essentiel de son cours qu'il donne ensuite à ses étudiants dans une espèce d'encyclopédie qu'il a trouvée dans les combles de l'université et qui ne figure pas dans le catalogue de la bibliothèque. Donc c'est beaucoup dire sur lui. En fait, Nabokov écrit « Deux caractéristiques distinguaient Léonard Blorenge, président du département de langue et littérature française. Il détestait la littérature et il ne savait pas le français. » Donc c'est vrai que c'est un bien mauvais serviteur de cette langue et on peut peut-être imaginer qu'il en a croisé comme ça au cours de des cours qu'il délivrait à ses étudiants. Mmh. En même temps, les voies du Seigneur pour arriver à l'œuvre de Nabokov sont multiples. Vous savez, on peut oui. être engagé sur la lecture d'un écrivain par quelqu'un qui le connaît mal ou qui croit l'avoir lu, et puis bifurquer vers quelqu'un d'autre. Et de toute manière, peu importe. L'essentiel, c'est de lire. Je suis sûr, Bénédicte Bintène, que vous continuez hors colloque Vladimir Nabokov à lire du Nabokov. Si vous avez 10 minutes ou 3 jours pour relire un roman, lequel choisissez-vous durant vos vacances? Oh, tous idéalement, j'ai peut-être une prédilection pour ceux qui n'ont pas encore délivré toutes leurs clés. Ada Oularder est fabuleux. Feu pâle aussi est une merveille très très à la fois obscure mais lumineuse en même temps. Et puis sinon, tous les romans qui peuvent se lire cette fois-ci sans forcément connaître l'œuvre par ailleurs de Nabokov, c'est-à-dire Pnine dont on vient de parler, La vraie vie de Sébastien Knight, L'exploit aussi pour revenir à des romans beaucoup plus antérieurs. Donc ce serait bien difficile de choisir, mais... Bon, relisons tout Nabokov, c'est l'essentiel. Un émerveillement renouvelé, oui. Merci Bénédicte Batten. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un article, une contribution qui a pour titre « Le français, langue de la séduction fallacieuse dans l'œuvre de Vladimir Nabokov, une esthétique de l'ambiguïté ». Et l'on devine votre amour pour cet écrivain, ce qui est le minimum quand même, heureusement. Ça se trouve dans Vladimir Nabokov et la France aux presses universitaires de Strasbourg, dont Yannick Chupin et Agnès Sédelroy nous ont parlé en début de nuit et nous parlerons en fin de nuit. Cette nuit, Vladimir Nabokov se poursuit. Nous allons écouter des nouvelles de Nabokov, puis la suite du Pays d'ici à Montreux, Vladimir Nabokov, le guetteur du palace par Jean Dève. Nous aurons une rencontre avec Laure Troubetskoy pour les lettres à Vera, puisque les lettres à Vera sont publiées chez Fayard, traduites par Laure Troubetskoy. Puis un cabinet de curiosité consacré à Lolita, entre innocence et perversité, avec Maurice Couturier, une émission de Catherine Pont-Imbert. Et puis un entretien que Dimitri Nabokov, le fils de Vladimir, avait accordé à Roger Vrigny pour Lettres ouvertes. C'était en 1992 et nous terminerons par une nuit magnétique consacré à ce grand roman que vous aimez, Ada. L'émission s'appelle Le roman des manuscrits. C'est une émission de Philippe Boyer, réalisée par Mehdi Alhadj, qui avait été diffusée sur France Culture en 1990. Merci Bénédicte Binten. Merci Philippe Garbi. Et merci à Julien Voirin de France Bleu, Pays de Savoie.